Lettre 72e, Théophanie à Junia Marcella, Nicomédie, 26 février 303. Dieu, Junia, qu'est-ce qui m'attend et que vais-je devenir? À quelle étonnante démarche veut me forcer Héliodore? Il exige que je me fasse connaître à Agathoclès dans ce moment, sans aucun délai. Qu'est-ce que l'amour et ses ménagements pour une vertu aussi austère? Il me menace, si je m'y oppose, de lui parler lui-même. Que me reste-t-il donc à faire? Le revoir, me découvrir à lui, ô sentiment délicieux! Vous inondiez jadis mon âme de la joie la plus pure, et maintenant vous la remplissez d'effroi. Ah, lorsqu'après une séparation de 8 mortelles années, nous nous retrouvâmes dans les jardins d'Édesse, des devoirs sacrés nous séparaient, mais il m'aimait. Son regard, ses bras ouverts pour me presser sur son cœur, sa joie si vive, qui ne trouvait point de parole pour l'exprimer, me le dira assez. Que me fallait-il de plus? 8 années passées sans entendre même parler l'un de l'autre n'avaient point affaibli nos sentiments. Ma main et ma foi étaient à Démétrius, et tout mon cœur à Agathoclès. Oh, que j'étais heureuse alors! C'étaient les jours les plus heureux de ma vie. Actuellement, je sens arriver avec tremblement et douleur le moment terrible où je verrai la surprise et le chagrin se peindre dans son regard en retrouvant sa Larissa. En vain la pitié viendra l'adoucir peut-être. Elle ne fera qu'ajouter à ma peine. Et lorsqu'il me dira « Tu reviens trop tard, Larissa, je n'ai plus de cœur à t'offrir, il est tout à la belle Calpurnie. » Vainement, il ajoutera « Je serai toujours ton ami. » Junia, je le sens, ce mot me sera affreux dans sa bouche, et je ne puis être l'ami, seulement l'ami d'Agathoclès, de l'époux de Calpurnie. Et s'il se tait, s'il craint de prononcer mon arrêt, si je le vois consterné et confus à mon approche, oh, plutôt 1000 fois ne jamais le revoir. Une séparation totale me serait moins douloureuse. Et c'est ainsi. C'est dans cet état de douleur, avec ce visage pâle et flétri, cette cicatrice, ces yeux éteints par les larmes, ce costume effrayant, que je dois me montrer à celui qui serre tous les soirs dans ses bras la plus belle personne qu'il y ait au monde. Non, non, plutôt mourir. Quel parti me reste-t-il à prendre? Je veux fuir. Je veux me réfugier dans ton sein, y cacher mon humiliation et ma profonde douleur. Qu'il sache que je vis encore, mais qu'il ne me revoie jamais. Je veux, je dois lui épargner la peine de me recevoir avec politesse, de n'avoir pas l'air de faire attention aux ravages que le temps et le malheur ont fait sur ma figure, de me dire des choses obligeantes sur le plaisir qu'il a de me revoir, et combien il fut affligé de la nouvelle de ma mort. Et moi, Junia, ah, c'est vraiment alors que je cesserai d'exister, que je succomberai enfin à tant de peine. Que de reproches j'ai droit d'adresser à Héliodore! Dans quel abîme il m'a jeté! C'est lui qui m'a persuadé d'entrer dans cette maison, de m'y consacrer au service des blessés. Et il croit encore qu'il lui est permis de me blâmer, de me juger coupable, d'exiger que les souffrances de l'amour-propre détruisent mon amour pour Agathoclès. Ah, qu'il me connaît peu! S'il me croit l'ombre de vanité, s'il pense que rien au monde puisse altérer seulement un amour qui fait partie de mon être, voilà ce que devient un cœur qui s'est fermé à toute sensibilité. Il ne la comprend pas. Comment pourrait-il l'excuser et la ménager? Ce matin, il est entré chez moi dans une grande agitation. Il n'avait appris que hier au soir très tard le nom du malade. L'aveu que je lui avais fait précédemment lui revint à l'esprit. Il accourait pour me demander raison du mystère que j'observais si opiniâtrement avec lui, en ne l'ayant pas averti que l'ami de mon enfance était sous le même toit que moi et confié à mes soins. « Pourquoi, me dit-il, ne pas vous faire connaître puisque vous avez renoncé volontairement en entrant ici au lien qui vous attachait à lui? Vous le deviez en punition d'avoir nourri un sentiment coupable pendant la vie de votre époux. Mais à présent, que le sacrifice est fait et que vous êtes décidé à passer le reste de vos jours dans cette respectable solitude, à remplir les devoirs qui vous sont imposés. À quoi bon ce mystère ? » Je baissai les yeux, car je sentais qu'il m'était impossible de vivre ici auprès d'eux lorsqu'ils seront unis, mais je n'osais pas le lui dire. Il prit mon silence pour une adhésion à ce qu'il me disait. Il fut attendri et commença à me louer. Ses yeux reposaient avec bonté sur moi. Comprends-tu combien ces louanges me furent pénibles? Le soupçon le plus injuste ne m'aurait pas autant peiné. Je me tus encore quelques instants. Enfin, je ne pus y tenir plus longtemps. Je lui avouai, les larmes aux yeux, ce que je pouvais lui dire, sans lui parler des visites de Calpurnie et de son déguisement. Il en aurait facilement pris de l'ombrage, et il aurait empêché que le bel esclave ne revînt auprès de son maître, et moi, Junia, je ne désirais plus que leur bonheur. Je lui dis seulement qu'Agathoclès, m'ayant cru morte, avait formé d'autres engagements, qu'il me paraissait inutile de lui dire la vérité, et que je préférais le laisser dans son idée et m'éloigner des lieux qu'il habite. Il condamna le projet de ne pas revoir Agathoclès, ne trouvant rien d'extraordinaire à ce qu'il m'eût oublié, me croyant morte. Il blâma mes plaintes et ma résolution. « Pourquoi, me disait-il avec la froideur de son âge et de son caractère, l'amitié ne succéderait-elle pas à l'amour que vous aviez l'un pour l'autre ? Il est passé, eh bien, tu ne dois plus voir en lui qu'un ami, à qui il est nécessaire de faire connaître ton existence et de donner le plaisir de te revoir, qu'il sentira certainement, quoiqu'il aime à présent une autre femme. » Il me fut impossible de le dissuader. Il ne voulut pas voir que l'inconstance, tout excusable que puisse être la sienne, détruit les rapports de l'âme, que l'harmonie cesse dès l'instant que l'amour est fini d'un côté et qu'il est impossible de voir comme un ami l'homme qui fut votre amant et qui aime une autre femme comme il vous a aimé. Enfin, après avoir bien disputé là-dessus, il finit par consentir à ce qu'il appelait un caprice. Mais il persista à trouver que si je ne voulais plus être l'ami d'Agathoclès, je devais au moins lui apprendre par quel miracle j'avais été sauvé, qu'il en serait instruit indubitablement tôt ou tard et justement blessé de l'avoir appris par des voix étrangères. Je fus forcé d'en convenir, mais je lui avouai, après qu'il m'eut longtemps tourmenté là-dessus, que j'avais fort à cœur qu'il ne l'apprît que lorsque je serais éloigné, et que d'abord après mon arrivée à Pamée, où je voulais vivre auprès de toi, je lui promettais d'écrire une fois à Agathoclès pour lui apprendre moi-même mon existence. Il voulut savoir la cause de cette singularité, il me fit tant de questions, tant de suppositions, et me tourmenta tellement que je finis par lui avouer que je ne pouvais prendre sur moi de me présenter à côté de la belle Calpurnie. « Voilà donc vos motifs ! » s'écria-t-il avec une voix de tonnerre, dont je fus effrayé. « C'est donc la vanité qui vous a de tout temps entraîné au mal et à la fausseté, qui vous fit trouver du plaisir à être aimé encore lorsque vous apparteniez à un autre homme. C'est la vanité qui nous a valu tous les maux dont le genre humain est accablé. Ève pécha par vanité, toutes les femmes en font de même. » Il continua à parler dans ce sens avec une telle volubilité qu'il me fut impossible de lui répondre. Il me reprocha avec une grande colère tous mes torts depuis le moment où il m'avait délivré des Goths. Hypocrisie, mensonge, passion désordonnée, corruption, méchanceté, orgueil, envie, etc. De quel péché ne fus-je pas accusé? Je commençai à pleurer amèrement. Lorsque je pus prononcer un mot, je lui dis que je me reconnaissais coupable sur plusieurs points, mais que je ne me sentais pas tel que son courroux me dépeignait. Tous mes projets étaient innocents, tous n'ont tendu qu'à laisser Agathoclès tranquille et heureux dans son nouveau choix. Est-ce un crime de ne pas vouloir être dédaigné à côté de sa rivale? Je ne lui veux point de mal, oh Dieu, tu le sais. Je prie aussi pour Calpurnie, mes vœux ne la séparent pas de celui qu'elle aime et dont elle est aimée. Suis-je donc aussi coupable que le dit Héliodore? Cependant, il m'impose une dure punition, celle de me faire connaître à Agathoclès avant de m'en séparer à jamais. À ce prix seul, je puis obtenir son pardon. Que puis-je faire? Il me quitta fort courroucé. Tout ce qu'il voulut m'accorder fut la promesse qu'il ne dirait rien encore aujourd'hui à Agathoclès, mais j'ai dû lui jurer que demain je parlerai moi-même. Oh, ma Junia, quel jour affreux m'attend! Quelques heures plus tard, mon ange protecteur vient de m'inspirer l'idée de m'adresser à Constantin. Il est l'ami d'Agathoclès, il ne peut non pas manquer de la délicatesse nécessaire pour un tel aveu. Je lui écrirai. C'est à lui que je confierai tout ce qui m'est arrivé, et ma fuite de Trachène, et ma captivité chez les Goths, et ma délivrance par Héliodore, et mon passage à Saint-Iome, et mon séjour à Nicée, et mes motifs pour me conduire comme je l'ai fait. Constantin ne mériterait pas les éloges que tout le monde lui donne, s'il ne se mettait pas à ma place, et s'il n'avait pas la volonté d'arranger tout convenablement pour son ami et pour moi. Il connaît le cœur d'Agathoclès. Il jugera de l'effet que doit produire sur lui cette découverte. Oh, s'il pouvait faire en sorte que son ami consentît à ne pas me revoir. Peut-être le craindra-t-il autant que moi, et je prierai instamment Constantin de tâcher que les choses aillent ainsi, et que je m'éloigne sans le revoir. Jamais, jamais dans cette vie. C'est une idée terrible, j'en sens la nécessité, mais je ne puis m'accoutumer à ce mot « jamais ». Plus tard. Ma lettre est écrite. J'attends Constantin. Avec quelle sensation ? C'est ce que tu comprendras mieux que je ne puis te le dire. Ah, dans le moment où notre arrêt va se prononcer et décider de notre vie, où nous empiétons par la pensée sur le malheur qui nous attend, le cœur se révolte. Les résolutions les plus fermes s'ébranlent. Autant l'incertitude nous pèse, autant nous voudrions alors en prolonger la durée. La nuit est là. Calpurnie, qui vient à présent de bonne heure, est repartie. Constantin, qui vient tous les soirs, peut arriver d'un moment à l'autre, et tout sera irrévocablement décidé, le sort aura prononcé. Dans la certitude que je ne reverrai plus Agathoclès, j'ai joui hier et aujourd'hui de ce bonheur avec avarice. Depuis quelques jours, je n'avais pas osé entrer dans sa chambre. Les visites de Calpurnie étaient pour moi un supplice insupportable. Je faillis à me trahir à la première, et n'ai plus voulu courir le même risque. Tabitha s'est chargée depuis de me remplacer auprès de lui, et moi je me suis chargé des malades qu'elle soigne. Dans mes moments de liberté, je restais dans la chambre contiguë, je l'entendais respirer et soupirer. Dieu, pour qui ? Ah, c'était un plaisir bien douloureux, mais le seul qui me restait, et bientôt il faut aussi en faire le sacrifice. Sa voix ne portera plus à mon cœur mille délicieux souvenirs. Je n'aurai plus à m'occuper de lui et pour lui. Alors tout sera perdu pour moi. Ah, Junia, il est possible que je suive de près cette lettre. Mon sort sera décidé d'ici à demain. Et je volerai vers toi, car dans l'immensité de l'univers, je n'ai plus que toi seul. Adieu.